ses réveils, que son tendre gardien s'émerveille de voir à chaque fois son abeille être éclairée par un brin de soleil. Depuis la toute première nuit, il entre doucement en catimini. Pourtant, il regarde son homme qui le chérit, le regard des ses petits tout contre lui, lance d'une nuit. Le plus beau des sentiments, l'amour que l'on peut lire dans les romans. Le plus beau des sentiments, l'amour des baisers qu'on savoure tendrement. Le plus beau des sentiments, et l'amour pour dire je t'aime à ceux qu'on manque. Lance d'une nuit, lance d'une nuit. Lentement, il se métamorphose. Le plus beau des sentiments, et l'amour des baisers qu'on savoure tendrement. Le plus beau des sentiments, et l'amour pour dire je t'aime à ceux qu'on manque. Lance d'une